Pendant les Jeux olympiques, Dolbo Auto est en mode olympique avec des spéciaux dignes de la médaille d'or. Le Silverado, 0% sur 72 mois ou encore le Sierra, 98$ par semaine pendant 48 mois. Dolbo Auto, 1770 boulevard Walberg, Dolbo Mistassini au 418-276-0580. Le propriétaire, M. Stéphane Fortin et toute son équipe souhaitent la meilleure des chances à Marianne Saint-Gelais et à Cassandra Bradette pour les Jeux de Pyeongchang. Vous voulez vous payer une bonne bouffe et vous avez peu de temps à votre disposition? Le restaurant Midas est l'endroit idéal pour vous, avec la pizza et l'excellent poulet frit qui font le délice de tous et qui est offert dans un délai rapide avec le sourire. Le restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 418-679-0900. Visitez notre page Facebook pour vous informer de nos différentes promotions. Le propriétaire, Danny Potvin, et toute son équipe souhaitent la meilleure des chances à Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette pour les Jeux de Pyeongchang. C'est la chronique des Saguenay de Chicoutimi avec notre ami Jonathan Hudon du journal Le Quotidien. Salut Jonathan. Oui, salut Danny. Jonathan, très bonne idée. Ben, je ne sais pas de où est-ce que ça sort. J'ai écouté Simon Tremblay ce matin, ce midi à Radio X et il est arrivé avec une idée de vendre le club pour financer le nouvel amphithéâtre. Lui, il dit qu'il y a des gens qui ont de l'argent au Saguenay, il y en a beaucoup. Puis c'est vrai, si on se rappelle bien, là, lorsque Marc Denis, le groupe de Marc Denis, Richard Letourneau, avait gagné, il y avait plusieurs groupes qui étaient autour de lui. Là. Comment se trouve cette idée-là? C'est pas une idée bête, je trouve. Mais ça n'a pas trop de la valeur. C'est 1 million, ça vaut pas la peine, ouais. Ouais, c'est ça, honnêtement, c'est une bonne question, puis c'est vraiment embêtant de quelle façon qu'ils pourraient faire ça. Parce que le groupe actuel là qui est là, oui, ils ont gagné, mais ils n'avaient plusieurs, puis ils étaient pas tous ensemble. Donc c'est dur de dire est-ce que ce thème-là qui est là actuellement est prêt à débourser là probablement plusieurs millions de dollars. Là, j'ai pas le prix exact pour l'équipe de hockey junior. Ça, c'est assez dispendieux rendu aujourd'hui. Puis là, est-ce qu'il faudrait aller chercher d'autres partenaires pour procéder à l'achat d'équipes des Saguenayens? Mais la ville, ça a déjà été abordé. Hein, ce sujet-là revient une fois de temps en temps. Là, pourquoi que les Saguenayens ne sont pas vendus à un groupe d'investisseurs privés? Mais je pense qu'il y a déjà eu des menaces là, des Saguenayens avant justement que la ville prenne possession du club. Là, l'équipe était en fâcheuse position financière, là, des foules très modestes à Chicoutimi, donc peut-être en danger de quitter le royaume. Donc c'est vrai que dans le temps de Mathieu Benoît, dans le temps de cet échange-là, je pense que c'était avec Acadie Backers, ça avait fait... Ça, Marc Tremblay avait fait une transaction complètement loufoque. Complètement louche. Pour rien, donc on s'est retrouvé là avec des foules de 700-800 personnes, une équipe qui gagne plus, c'était assez triste, et la ville à ce moment-là, quelques saisons plus tard, avait fait le geste là, de supporter acquéreur de l'équipe, donc ça leur conserve un certain droit de veto, là, si tu me permets l'expression, de dire que comme ça, ben les Saguenayens, l'institution depuis 45 ans au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ben ça les assure de demeurer, de garder l'équipe là, dans la région. OK. Parle-moi de... Hey, dis-moi aussi, je veux te parler de quelque chose. Trouves-tu toi, que la Légion majeure du Québec se prend pour d'autres? Moi, je dis que non. Il faut comprendre la Légion majeure du Québec. La Légion majeure du Québec fait partie de la Ligue canadienne de hockey. D'abord, les Saguenayens font partie de la Légion majeure du Québec. La Légion majeure du Québec fait partie des Saguenayens, de la Ligue canadienne de hockey. Et la Ligue canadienne de hockey a des exigences, a des attentes envers la Ligue nationale. Là. Je veux dire, la Ligue nationale donne 2 millions par année pour la web diffusion. Et ça, c'est sans compter d'autres argents. Moi, je trouve pas que c'est beaucoup, qu'on se prend pour d'autres. Tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord. Je pense pas que la Ligue de hockey junior majeur du Québec se pense trop grosse. Mais en même temps, est-ce qu'elle se pense grosse? Peut-être. Est-ce qu'elle est rendue trop grosse? Peut-être un petit peu. Sauf que faut pas oublier là, que c'est le circuit qui développe les joueurs de la Ligue nationale. Mais oui. Avoir les collèges américains puis d'autres avenues là, sinueuses dont certains désirent emprunter, ça marche pas toujours. En tout cas, ça c'est un autre débat. Mais la Ligue de hockey junior majeur du Québec, là, c'est Je veux pas, c'est la petite Ligue nationale. Là, on ben ouais. a beau se faire des idées, mais c'est, ça demeure le plus grand circuit d'hockey junior. Ça demeure, c'est sûr que c'est un circuit d'hockey amateur, mais c'est un circuit d'hockey semi-professionnel, je veux pas, là, parce que avec des joueurs, il y a beaucoup de joueurs là, qui ont déjà fait la Ligue nationale, qui ont mis dans le Ligue majeure, puis ils ont des exigences à respecter. Chaque équipe a des exigences à respecter, que ces exigences-là, justement, des fois, font un petit peu que. Puis, bon, c'est peut-être gros un peu, là, les exigences à respecter, mais. La Ligue d'Hockey Provincial du Québec a des comptes à rendre à la Ligue canadienne, comme tu l'as dit, puis, ça demeure. Ça demeure une grosse ligue, là. Faut pas se le cacher. Peut-être que des fois ça peut paraître gros un peu, puis pour des plus petits marchés aussi, là, les Saguenay qui est pas un gros marché non plus. Donc c'est sûr que des fois ça peut. C'est un milieu, c'est un marché de milieu. Ouais, exactement. Puis tu sais, c'est sûr que. Ouais. Avec Homo, là, tu sais, une place avec Homo, Rwanda, c'est des places parfaites pour l'hockey junior, selon moi, mais. Les exigences sont tellement rendues élevées que des fois, ça peut paraître un peu trop, ça peut paraître un peu démesuré, mais bon, en même temps, junior majeur, ça demeure la ligue de développement là, numéro un, je pense, vers la ligue nationale. Calendrier 68 matchs, c'est seulement même pas 15 matchs de moins que dans la ligue nationale. Donc, ça demeure un circuit relevé, un circuit où on développe des athlètes, on développe des êtres humains aussi, là, pas un très faible pourcentage qui va jouer dans la Ligue nationale, mais ça demeure un circuit de haut niveau, là, on se le cache pas. Puis c'est sûr que des fois ça peut surprendre avec toutes les reprises vidéo puis tout ça, mais c'est comme ça aujourd'hui, hein. Toutes les radios et web diffusées, les sites internet diffusent les matchs, puis certaines reprises vidéo, les vidéos pour les coachs, en tout cas c'est tout ce qui vient avec. Oui, effectivement. Hey, dis-moi, comment c'était à Jonquin? C'était la grande entrée à Jonquin. Comment c'était? Ben, c'était bien. On sentait un petit quelque chose avant le début du match. Il y avait comme une petite effervescence qu'on n'a pas vécu très, très souvent. Là. Ça faisait un petit peu bizarre. J'étais arrivé une bonne heure à l'avance, là, puis on sentait qu'il y avait un petit peu d'engouement dans le palais des sports de Jonquière. C'est sûr que ça s'est fait vite. Hein. Ils ont eu une semaine pour se virer de bord, si tu peux me permettre l'expression, mais ils ont bien fait ça, les Saguenay, en avant à toute l'équipe de gestion, là, Serge Pou en tête, le directeur des opérations qui a ficelé une équipe, là, toute une équipe autour. Ça s'est quand même assez bien déroulé. Je vous dirais, là, c'est spécial à vivre ça, mais c'est comme je l'ai écrit là, le lendemain, c'était comme un peu une deuxième ouverture locale. Là. Ça faisait différent, mais tout était différent. Il n'y avait rien de pareil. C'est sûr que côté espace, là, on s'entend que c'est un petit peu limité là, sur la galerie de presse. Ben, vraiment, la galerie de presse à Jonquière, là, c'est... C'est pas pour rien qu'ils vont... C'est pas pour rien non plus. On ne veut pas être méchant, mais il manque de place. Là. C'est pas pour rien que ça va être refait aussi. C'est pas pour rien que ça va être refait aussi. Fait que ça... C'est des installations temporaires. Peut-être que ça va... prendre un petit peu plus d'espace pour les... Si jamais les séries éliminatoires devaient être jouées à Jonquière, là, c'est sûr qu'il ne pourrait pas être longue les séries éliminatoires cette année au Saguenay pour les Saguenay, mais reste que ça va peut-être prendre des installations un petit peu... de plus grandes installations là, pour les médias, les recruteurs, parce que dimanche, on est un petit peu limité, honnêtement, dans l'espace de travail, mais c'était bien, là, c'était bien. Puis la foule est près de l'action, puis tu sais, c'était... Palais des Sports, c'est un aréna parfait pour l'hockey junior aussi. Là, t'sais, il rentre 2600 sièges capacité assise au-dessus de 3000 là, au total. Donc, une très belle place pour jouer au hockey junior. Cette semaine, les Sags, il va y avoir quoi? Les Sags sont... Victoriaville, c'est sûr. De Shawinigan. Ouais. Comment? Il y a Victoriaville, c'est sûr et certain aussi, parce que j'ai vu que le match est à TVA Sports cette semaine. À Victo. Exactement, les Sags. Ah, c'est ça. Donc, ça commence mardi soir, là, ce soir, mardi, contre les Cataractes de Shawinigan. Visite des Cataractes de Shawinigan au Palais des Sports de Jonquière, toujours. Hein. Deuxième match présenté au Palais des Sports. Ensuite, vendredi, les Sags reçoivent les Foreurs de Val-d'Or. Puis, samedi, une grosse semaine, finalement. Vendredi, c'est les Sags reçoivent les Foreurs de Val-d'Or. Samedi après-midi, les Sags sont à Québec pour affronter les Remparts au Centre Vidéo. Puis ça se termine dimanche face au Tigre de Victoriaville dans les bois francs. Donc, c'est une grosse semaine pour les Saguenayens, puis peut-être une semaine qui pourrait... une semaine assez déterminante, là. Je veux dire, le classement, oui, les Saguenayens sont pratiquement assurés de faire les séries, mais si jamais on bat les Cataractes ce soir, puis on bat les Foreurs vendredi, là, on se détache de ces équipes-là qui sont actuellement là 16 et 17e. Les Foreurs sont 16e, les Cataractes sont 17e, les Sags sont 15e, à 5 points de la 14e place et du Drakkar de Baie-Comeau. Donc, si on peut battre là, Shawinigan mardi, vendredi, ça pourrait sonner le glas là, pour les Saguenayens, dans le sens qu'ils seraient pratiquement là, assurés d'une place en série, même si c'est pas mathématiquement fait encore, on peut se dire là, les Saguenayens ont 5 points d'avance sur le 16e rang et le 16e et dernier rang donnent accès aux séries, donc on peut dire que c'est pratiquement réglé pour accéder aux séries, mais quand même, là, on n'est jamais sûr de rien, avec deux victoires là, contre des équipes de bas de classement mardi, vendredi, ça pourrait faire, parce que le reste du la fin de semaine, ça n'annonce pas de tout repos là, à Québec. Quoique les remparts sont prenables, là, j'ai pas l'impression qu'ils jouent du très, très, très grand hockey. Là. C'est une équipe qui est quand même battable. Victoriaville, ils ont une équipe là, qui ont une équipe prête à remporter les grands honneurs. Donc samedi, dimanche, contre des bonnes formations quand même là, sur la route, ça pourrait être difficile. OK. Ben Jonathan Hudon, on s'en parle mardi prochain? C'est la chronique des Saguenay-Chicoutimi. Très intéressant avec Jonathan Hudon du journal Le Quotidien.